sur la chaise. And when I fell asleep, immediately I saw the vision of the Lord. Et quand j'ai dormi, immédiatement j'ai eu une vision du Seigneur. In which there was a written note, this one not handwritten, typed. Dans laquelle il y avait une note écrite, et cette note n'était pas écrite à la main, elle était tapée. Which the Lord was drawing very close my eyes like this in that vision. Dans laquelle le Seigneur s'est approché très près dans cette vision. And when he drew the note very, very close to me, I could read it. Que quand il a approché cette note tellement proche de moi, je pouvais la lire. Again, November 14th. Encore le 14 novembre. Between 2 to 4 p.m. Entre 2 et 4 heures de l'après-midi. 2010. En 2010. What was in the note? Qu'est-ce qui était sur cette note? This is the second note the Lord writes me and sends me. C'est la seconde note que le Seigneur m'écrit et m'envoie. What was written in that note? Qu'est-ce qui était écrit sur cette note? Listen to this. Écoutez ceci. When I began to read it from my left towards the right. Quand j'ai commencé à lire ça de ma gauche à ma droite. This is what he said. C'est ce qu'il disait. It said. Ça disait. Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek. Is known as the day of light. Est connu comme le jour de la lumière. Again. Encore. Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek. Is known as the day of light. Est connu comme le jour de la lumière. That is amazing. C'est étonnant. We say rapture, rapture, rapture, rapture. Nous disons enlèvement, enlèvement, enlèvement. But when you look at the Bible, you don't find the word rapture. Mais quand vous regardez dans la Bible, vous ne trouvez pas le mot enlèvement. The day of rapture is coming. Le jour de l'enlèvement vient. The day of rapture is coming. Le jour de l'enlèvement vient. Today I release you the secret of God. Aujourd'hui, je vous révèle le secret de Dieu. The Lord calls it Melchizedek's day. Le Seigneur appelle ça le jour de Melchizedek. Ah, it's a big teaching, by the way. It's a very big teaching. I went all the way to Genesis 14. C'est un grand enseignement. Je suis allé tout le chemin jusqu'à Genèse 14. After I woke up from that vision. Après que je me sois réveillé de cette vision. Because I said. Parce que j'ai dit. I thought Melchizedek was in the Old Testament only. Je pensais que Melchizedek était seulement dans l'Ancien Testament. Only to find out. Seulement pour trouver. That Melchizedek is he. Que Melchizedek, c'est lui. Melchizedek is he. Melchizedek, c'est lui. Because first of all, he is the king of Salem. Parce que premièrement, il est le roi de Salem. The king of righteousness. Le roi de la justice. And he has two crowns. Et il a deux couronnes. The priestly crown. La couronne princière. And the kingly crown. Et la couronne royale. Because he remains priest of God Most High forever, eternally. Parce qu'il demeure le prêtre du Dieu très haut pour toujours, éternellement. I found out. J'ai trouvé. That this was him. Que c'était lui. That encountered Abraham, blessed Abraham and disappeared. Qui a rencontré Abraham, a béni Abraham et a disparu. That later he may come out through the lineage of Abraham. Que plus tard il puisse être dans la lignée d'Abraham. There was no greater power to bless Abraham. Il n'y avait pas de pouvoir plus grand pour bénir Abraham. Ah, this is the time to mature up today, right? C'est le moment de devenir mature aujourd'hui. In the word, right? Dans la parole. To mature up in the word today. De devenir mature dans la parole aujourd'hui. Melchizedek's day is known as the day of light. Le jour de Melchizedek est connu pour le jour de la lumière. So the Lord calls the day of rapture Melchizedek's day. Alors, le Seigneur appelle le jour de l'enlèvement le jour de Melchizedek. Listen to this. Écoutez ça. Melchizedek's day. Le jour de Melchizedek. Which we call the day of rapture. Que nous appelons le jour de l'enlèvement. The Lord now today have released a secret to you. Le Seigneur le sait. Je vous dis un secret. The Lord calls it Melchizedek's day. Le Seigneur l'appelle le jour de Melchizedek. Is known as the day of light. Il est connu comme le jour de la lumière. What is the message there? Quel est le message ici? That means on that day, the children of light. Ça signifie que en ce jour, les enfants de lumière will partake of that day. Vont partager ce jour. Only the children of light. Seulement les enfants de la lumière. Did you understand? Vous comprenez? This is it. C'est cela. Only the children of light. Seuls les enfants de lumière will partake of that day. Vont partager ce jour-là. And my question to you is this. Et ma question pour vous est cela. Ever since you received the Lord, depuis que vous avez reçu le Seigneur, are you a child of light? Êtes-vous un enfant de lumière? And if you say amen, alors si vous dites amen, and if you say yes, et si vous dites oui, that means, ça signifie you are walking in the light. Que vous marchez dans la lumière. If you are walking in the light, si vous marchez dans la lumière, in your life, people can see the deeds of light. Dans votre vie, les gens peuvent voir vos œuvres de lumière. The deeds of light. Les œuvres de lumière. If you are saying that I am a child of light, si vous dites que vous êtes un enfant de lumière, then why are you wearing very tight trousers to show the pastor your anatomy? Pourquoi alors vous revêtez ces pantalons tellement serrés pour montrer votre anatomie au pasteur? There you go. C'est là que nous allons. I come here that I may crush the devil and set you free to prepare you for the king. Je viens ici pour que je puisse écraser le diable et vous préparer pour le roi. Only the truth can crush the devil. Seule la vérité peut écraser le diable. If you're saying I am in the light, si vous dites je suis dans la lumière, then why? Let me tell you. Look at this now. Alors pourquoi? Laissez-moi vous le dire. Regardez ceci maintenant. The world is in darkness. Le monde est dans les ténèbres. Before you receive Jesus, you are a child of darkness. Avant de recevoir Jésus, vous êtes un enfant des ténèbres. You are in the darkness, that's what the Bible says. Vous êtes dans les ténèbres, car la Bible le dit. Children of darkness, slaves to darkness. Enfants des ténèbres, esclaves des ténèbres. But when you come to the church, mais quand vous venez à l'église, you become the children of light. Vous devenez les enfants de lumière. Slaves to righteousness. Esclaves de la justice. Now listen to this. Maintenant, écoutez ceci. The process that brings you from out, le procédé qui vous sort de là, is the mighty power of the blood of Jesus. C'est le puissant pouvoir du sang de Jésus. Listen to this. Écoutez ceci. The blood of Jesus can wash you. Le sang de Jésus peut vous laver from being a child of darkness, de l'enfant de ténèbres que vous étiez, into the child of light, en un enfant de lumière. But for me, if I understand that process right, mais pour moi, si je comprends justement ce procédé, that process, ce procédé, is actually a complete transformation of person, est actuellement une transformation complète de la personne. Again, from the kingdom of hell to the kingdom of heaven. Encore. Du royaume des ténèbres au royaume des cieux. Kingdom of darkness to kingdom of light. Du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. That process is a complete transformation. Ce procédé est une transformation complète. Changing you from a child of darkness to a child of light. Vous changeant d'enfant des ténèbres en enfant de lumière. Listen. Écoutez. That is a change of identity. C'est un changement d'identité. So my question is, alors ma question est, if you have come from the world, si vous êtes venu du monde and received Jesus, et avez reçu Jésus, then I ask you one question. Alors je vous demande une question. Has your identity changed? Est-ce que votre identité a changé? So you need to draw the list. Alors vous avez besoin d'amener la liste. If I was in the world, I was lusting at men. Si j'étais dans le monde, je convoitais les hommes. That's if you're a woman. Ça c'est si vous êtes une femme. I want in the world and born again. Faites une liste dans le monde et né de nouveau. If I was lusting, I tick. Si je convoitais, je fais une coche. How about when I'm born again? Am I still lusting? Qu'en est-il que maintenant que je suis né de nouveau, est-ce que je convoite encore? If I'm still lasting, I pick, or if I'm not, I cross. Si je suis encore en train de convoiter, je fais un coche. Si ça n'est pas le cas, je ne le fais pas. If I was in the world, I was a liar. Si j'étais dans le monde, j'étais un menteur. I pick. Je fais une coche. Liar. Menteur. After being born again, am I still lying? On Friday, I lied to the pastor. Okay, pick it still. Si je suis né de nouveau, est-ce que je continue de mentir? Ah oui, vendredi, j'ai menti au pasteur. Alors, une coche. The blood of Jesus. Le sang de Jésus. That brings you from the child of darkness. Qui vous amène d'enfant des ténèbres. To the child of light. En enfant de lumière. Changes your identity completely. Change complètement votre identité. And if there are some things of the world that you have held on to. Et s'il y a quelque chose du monde que vous continuez de tenir. Then you are not yet transformed. Alors vous n'êtes pas transformé. In other words, not yet delivered. En d'autres mots, pas encore délivré. Ah, did you hear the truth? Vous entendez la vérité? So let us be careful. Soyez prudent. He says, Melchizedek's day is the day of light. Il dit, le jour de Melchizedek est le jour de la lumière. Is known as the day of light. Il est connu comme le jour de la lumière. You'd rather be found walking in the light on that day. Vous avez avantage à être trouvé marchant dans la lumière en ce jour. Which means that day will be the day of light. Ce qui signifie ce jour va être le jour de la lumière. Which is true. Ce qui est vrai. Because the earth is in darkness at night now. Parce que la terre est dans les ténèbres la nuit maintenant. And when that day comes, et quand ce jour vient, he comes with his glory, light. Il vient avec sa gloire, la lumière. And when he finds you walking in light, he will take you. Et quand il vous trouve marchant dans la lumière, il va vous prendre. Hallelujah. Alléluia. Precious people. Précieux peuple. The kingdom of God is near. Le royaume de Dieu est proche. I have prophesied the four horsemen of the apocalypse. J'ai prophétisé les quatre cavaliers de l'Apocalypse. Until the last one was released in the eyes of global TV cameras. Jusqu'à ce que le dernier soit relâché aux yeux de toutes les caméras de télévision. In front of MSNBC, CNN, Euronews, Al Jazeera, BBC, everybody else. Devant MSNBC, CNN, Euronews, Al Jazeera, BBC et tous les autres. And everything I kept saying that they have hair like this, they do hair like this. Et toute chose que j'ai continué à dire, ils ont des crins comme ceci, ils ont des crins comme ceci. Finally, everybody saw it. Finalement, tout le monde l'a vu. On Global TV. Dans toutes les télévisions. The Lord is speaking relentlessly to the church. Le Seigneur parle inexorablement à l'église. About the coming of the Messiah. À propos de la venue du Messie. So please prepare the way for the coming of the Lord. Alors, s'il vous plaît, préparez le chemin pour la venue du Seigneur. I have come to announce. Je suis venu pour annoncer. That the door in heaven is open. Que la porte dans les cieux est ouverte. I have also come to announce. Je suis aussi venu pour annoncer. That as it was during the time of Noah. Que comme c'était du temps de Noé. So will it be at the coming of the Messiah. Ainsi ce sera à la venue du Messie. In Genesis chapter 7 verse 16. Dans Genèse chapitre 7 verset 16. Genesis chapter 7 verse 16. Genèse chapitre 7 verset 16. He says. Il dit. The animals going in. Into Noah's ark. Les animaux entrant dans l'arche de Noé. The animals going in. Les animaux entrant. Were male and female as God had commanded Noah. Étaient mâle et femelle comme Dieu l'a commandé à Noé. Again. Encore. The animals going in were male and female as God had commanded Noah. Les animaux qui entraient étaient mâles et femelles comme Dieu l'a commandé à Noé. Then he finishes by saying, ensuite il finit par dire. And the door was shut. Et la porte était fermée. Let me give you the Spanish version. The Spanish is better. Laissez-moi vous dire la version espagnole. L'espagnol est mieux. The Spanish version says, La version espagnole dit Señor cerró la puerta. Señor cerró la puerta. Meaning, and the Lord shut the door. Signifiant, et le Seigneur a fermé la porte. The Lord shut the door. Le Seigneur a fermé la porte. The animals going in were male and female as God had commanded Noah. Les animaux entrant étaient mâles et femelles comme Dieu l'a commandé à Noé. Then finally the God who loves you, who created all men. Ensuite, finalement, le Dieu qui vous aime, qui a créé tous les hommes. He came and shut the door now. Il est venu et a fermé la porte maintenant. Everybody was out. Tout le monde était dehors. Listen. Écoutez. And the floods swept away everybody on the earth. Et le déluge a balayé tout le monde sur la terre. But the Bible promises. Mais la Bible promet that as it was during the time of Noah, que, comme c'était du temps de Noé, so will it be at the rapture. De même, il en va être à l'enlèvement. So will it be at the coming of the Messiah. De même, ce sera à la venue du Messie. During the time of Noah, people did not like righteousness. Pendant le temps de Noé, les gens n'aimaient pas la justice. Nobody wanted holiness. Personne ne désirait la sainteté. Today also, nobody likes righteousness. Aujourd'hui aussi, personne n'aime la justice. If you are a pastor who preaches righteousness, si vous êtes un pasteur qui prêche la justice, righteousness, la justice, repentance, la repentance, repentance, la repentance, reject sin. Le rejet du péché. Reject sin. De rejeter le péché. Reject evil. De rejeter le mal. Turn away from evil. De se détourner du mal. Very few will come to your church. Peu vont venir dans votre église. Because. Parce que. Nobody will like righteousness at this hour. Personne n'aimera la justice à cette heure. At the time of Noah, nobody liked righteousness. Au temps de Noé, personne n'aime la justice. And he said, like it was during the time of Noah, so will it be at the coming of the Messiah. Et il a dit, comme il en était du temps de Noé, ainsi il en sera à la venue du Messie. Today, nobody likes righteousness. Aujourd'hui, personne n'aime la justice. If you tell them, oh, please, worship team, dress well because you are going to stand before the Lord. Si vous dites, oh, équipe de louange, vêtez-vous bien, parce que vous allez vous tenir devant le Seigneur. Worship team, please dress well, buy long robes. Équipe de louanges, s'il vous plaît, vêtez-vous bien, achetez de longues robes. Cover yourself well. Couvrez-vous bien. They will say, we don't want. Ils diront, nous ne désirons pas ceci. Today, if you look at church, aujourd'hui, si vous regardez à l'église, church has become the pump of the world. L'église est devenue une pompe du monde. Pump up, it's a pump, it's a disco. C'est une pompe, c'est un disco. Nobody likes righteousness. Personne n'aime la justice. Everybody likes pump. We are pumping life. Tout le monde aime pomper. Nous sommes en train de pomper la vie. Like it was during the time of Noah. C'était comme ça du temps de Noé. So will it be at the coming of the Son of Man. Alors ce sera la même chose à la venue du Fils de l'homme. At the time of Noah, only very few entered. Au temps de Noé, seul un peu est entré. When the Messiah comes, only very few will enter. Quand le Messie viendra, seulement très peu vont entrer. Those who walk on the narrow road. Ceux qui marchent sur le chemin étroit. Mark my words. Prends garde à ma parole. God has spoken with me about his coming. Dieu a parlé avec moi à propos de sa venue. Mark my words. Prends garde à ma parole. Not everybody in the church will enter. Tous ceux qui sont dans l'église n'entreront pas tous. So make sure for yourself you struggle and enter. Alors soyez sûr que pour vous-même vous luttez et entrez. Because the Holy Spirit is your present help. He has been released to you. Parce que le Saint-Esprit est votre aide présente. Il a été relâché pour vous. He's available. Il est disponible. He can give you wisdom. Il peut vous donner la sagesse. He can tell you what television programs not to watch. Il peut vous dire quel programme de la télévision ne pas regarder. He can tell you what TV programs you don't watch. Il peut vous dire quel programme de télévision vous ne regardez pas. He can tell you what kind of friends you cut off. Il peut vous dire quelle sorte d'amis vous devez quitter. It is called living a separated life. Ça s'appelle vivre une vie séparée. Separated for Christ. Séparé pour Christ. He can tell you what not to say on phone. Il peut vous dire quoi ne pas dire au téléphone. He can tell you which man who is always calling you to cut off. Il peut vous dire comment vous séparer d'un homme qui vous appelle toujours. So this man is laughing at me. I don't want that phone. Et dire cet homme me convoite, je ne désire pas ce téléphone. Until you call him back and say, excuse me. Jusqu'à ce que vous lui répondiez, excuse-moi. I am born again. I am righteous. I know what you are looking for. Je suis né de nouveau. Je suis juste. Je sais ce que tu es en train de chercher. You are looking for sexual sin. Tu cherches le péché sexuel. I am not ready. Je ne suis pas prête. I can tell you today it will not happen because I'm redeemed by the blood. Je peux te dire aujourd'hui, ça ne va pas arriver parce que je suis racheté par le sang. You can stand firm for the Lord. Vous pouvez tenir ferme pour le Seigneur. During the time of Noah, pendant le temps de Noé, the animals going in were male and female until God shut the door. Les animaux qui entraient étaient mâles et femelles jusqu'à ce que le Seigneur ferme la porte. Even during this time, même pendant ce temps, God will shut the door. Dieu va fermer la porte. He must. Il doit. He must shut the door. Il doit fermer la porte. So be careful. Alors, soyez prudent. Make sure you prepare and enter. Soyez sûr de vous préparer et d'entrer. That's why I told you, I don't come to look for money here. C'est pourquoi je vous ai dit, je ne désire pas regarder à l'argent ici. But make sure that you use this time to prepare for the coming of the Lord. Mais soyez sûr d'utiliser ce temps à vous préparer pour la venue du Seigneur. Prepare a righteous bride in this church. Préparez une épouse juste dans cette église. Prepare a holy bride in this nation. Préparez une épouse sainte dans cette nation. Time is over. I have seen the Messiah coming for the church. Le temps est passé. J'ai vu le Messie venant pour l'église. But the church I see him taking is a glorious church. Mais l'église que je l'ai vu prendre est une église glorieuse. May the Lord bless you. Que le Seigneur vous bénisse.